Le 13 septembre est constitué le comité préparatoire cambodgien pour le rendez-vous en l'honneur des Grands Hommes Actes 2017. Le comité préparatoire a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles pour exalter les exploits mortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un.